No, you're too much in that, you know that? I mean, you say we're gonna make it, that means we're gonna make it, right? I mean, like, I got no say in this. This time we went out. You told me you wanted to do it. You told me how horny a man gets when he's 19, how much his balls ache, morning and night, 6 days a week, sometimes seven if you don't get it. Y'a coup de plus dans ce game qui se la raconte et ça suce les producteurs pour faire fondre la fonte. Ok, ça vend des albums mais en fait ça pue la merde. Moins de 700 ventes et ouais ça se met tout seul dans les emmerdes. Moi je rappe avec un flow qui fait bouger boum. J'ai pas un flow à dog, j'ai une écho qui te fait coucher coup. Je passe dans l'équipe à Belle Rocose à DJ Jog. C'est la roulette du rap français. Nous on te met la dose, ça donne son boule pour des featuring. Ça sent les figurines. Man attention, fais pas forcément le kill. Si tu veux test MC, moi j't'attends sur le coin du ring. C'est du drive-by bolos, qu'est-ce que tu fous ici? Putain toi t'es ma bonne, chez moi j'suis ton messie. Faut pas clash mystérieuse, le jeune prodige de 5-7. J'te tords comme un coton-tige. C'est celle game, on va s'attendre avec prudence. C'est celle game, non reste comme fréquence. Entame la mise à jour, on va dire tes joues. Joue pas le loose, mais le game te fait perdre tes sous. C'est celle game, on va s'attendre avec prudence. C'est celle game. Entame la mise à jour, on va tisser tes joues. Joue pas le loose, le game te fait perdre tes sous. Bienvenue dans mon game où les boss au pire. Ton casson va trouver ton cul quand même plus les buts à couper. Hey, j'aurais pu avoir un avenir dans le foot. Deux ans centre de formation, ouais ça perd à l'hypo. J'peux comprendre les jaloux, ils n'ont pas eu le même succès. Du moins pour y arriver, j'ai pas eu à sucer. Moi j'suis moi-même, la confiance c'est mon image. J'suis pas être tourne fesse comme certains, j'ai toujours le même visage. Si mon rap te plaît pas, c'est pas grave, t'écoutes pas. Tu mets ton slip sur la tête et j'te dis ici y'a pas de faux plans, y'a pas de faux MC. J'en présente le secteur fait toute ma tête. À ce qui paraît j'suis un bâtard et fier de l'être. Mon cœur n'est pas à vendre donc crame des petites lettres. Ma dope c'est le mic qui aussi les jolies bulles. J'suis pas un proxénète man, juste un mec sans rancune. C'est celle game, on va s'attendre avec prudence. C'est celle game, non reste comme fréquence. Entame la mise à jour, on va tisser tes joues. Joue pas le loose, mais le game te fait perdre tes sous. C'est celle game, on va s'attendre avec prudence. C'est celle game, non reste comme fréquence. Entame la mise à jour, on va tisser tes joues. Joue pas le loose, mais le game te fait perdre tes sous. Je te présente mon game, une gamme d'instru et voir si la crème, mon stylo traîne. Si les feuilles voient ces trains de vie que j'aime, les pétales de rose ont fané. Cette année, j'arrive en Clio blindé. On va se remplir les poches de money. Tu me connais pas les connexions, sache que foot de Dawad Manaka. Ouais, il est pas fou dans ses combats. Je fais monter la température comme le sauna. T'es sonné, mes soldats se comptent sur les mains plutôt sur les doigts. Veux-tu me croire qu'on la religion, je n'y crois pas. Quand le monopole fait place à toutes les stimes qui est en toi. Du haut du toit, vois-tu les doigts, celle qui te guide, celle qui te dit reste gentil ou je te guille comme une boule contre les quilles. Sais-tu qui je suis? Sais-tu qui je suis? Sais-tu où je vis? Sais-tu où je vis? Sais-tu qui c'est? C'est le nord, nord-est. Rap en or massif, reste assis sur tes fesses. C'est celle game, on va s'attendre avec prudence. C'est celle game, non reste comme fréquence. Entame la mise à jour, on va tisser tes joues. Joue pas le loose, mais le game te fait perdre tes sous. C'est celle game, on va s'attendre avec prudence. C'est celle game, non reste comme fréquence. Entame la mise à jour, on va tisser tes joues. Joue pas le loose, mais le game te fait perdre tes sous. C'est celle game, on va s'attendre avec prudence. C'est celle game, non reste comme fréquence. Entame la mise à jour, on va tisser tes joues. Joue pas le loose, mais le game te fait perdre tes sous. C'est celle game, on va s'attendre avec prudence. C'est celle game, non reste comme fréquence. Entame la mise à jour, on va tisser tes joues. Joue pas le loose, mais le game te fait perdre tes sous. The world is a fine place. DJ Joke. I agree with the second. Piano du pitch. We want drugs.